Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission sur la 7e partie du cinéma fantastique, nous allons parler aujourd'hui des cadres et environnements du cinéma fantastique et de quelques procédés et techniques. Ceci sera donc la 8e partie. Promis, nous en avons bientôt terminé avec le cinéma fantastique. Le cinéma fantastique est caractérisé par les lieux et cadres qui situent le récit, souvent inquiétants, obscurs et isolés. Les plus communs sont le cimetière, que l'on retrouve aussi bien dans les films de vampires de Frankenstein ou de zombies, la forêt, qui est le décor des films de fantômes et de loups-garous, la maison et le château, hanté ou non, traduisant l'angoisse, la folie ou la possession, ou les laboratoires, lieu d'expérimentation du savant fou. Nous allons donc décrypter ces lieux un à un, en commençant par les cimetières, les cryptes et les tombes. Les cimetières ou les cryptes à l'allure et à l'architecture gothique constituent un des environnements classiques du fantastique. Décor commun aux films de vampires et de Frankenstein, c'est aussi le lieu que choisit George Romero pour situer le début de La Nuit des Morts-Vivants, où les deux premiers protagonistes du film viennent fleurir une tombe en prêtant une attention distraite à la silhouette en arrière-plan qui marche vers eux. Un autre lieu, comme je l'ai expliqué en introduction, est les bois et les forêts. En effet, la forêt joue un rôle important dans les récits fantastiques, depuis les contes et mythologies jusqu'aux romans modernes. Naturellement, elle constitue un des cadres les plus souvent utilisés dans le cinéma fantastique, ainsi que dans le cinéma d'horreur et de science-fiction. La forêt est le décor du film d'inspiration gothique, comme les différents Frankenstein, à commencer par le film de James Whale, où la créature se réfugie, ou dans Sleepy Hollow, de Tim Burton, qui en fait un lieu menaçant. Dans la science-fiction, la forêt constitue l'environnement unique de certaines planètes fictives, comme Dagobah dans L'Empire contre-attaque de George Lucas ou Pandora dans Avatar de James Cameron. Un autre lieu est les édifices en général, comme la maison, la ferme ou encore le château, ainsi que tout autre édifice d'habitation. Ces édifices constituent l'un des environnements de prédilection du cinéma fantastique. Ils représentent à la fois le lieu qui constitue un abri face au danger, mais peut également devenir un danger en lui-même. Dans La Nuit des Morts-Vivants, les protagonistes se réfugient dans une maison isolée d'où ils se barricadent pour empêcher les zombies d'entrer. Cependant, c'est surtout en tant qu'édifice menaçant qu'il prend sa dimension fantastique, qu'il s'agisse de la maison en elle-même ou de certaines de ses pièces. Par exemple, aussi étrange que cela puisse paraître, ou pas, le grenier ou la cave sont les lieux de dissimulation de secrets ou de souvenirs mystérieux qui peuvent ressurgir. Les lieux d'intimité, comme la chambre ou la salle de bain, revêtent une signification érotique quand un monstre ou vampire, ou encore un tueur en série, vient s'y manifester. La maison ou le château hanté ou possédé par des démons constitue souvent le personnage principal de films de fantômes et de possessions qui lui donne un caractère presque vivant. Comme cela est illustré dans La maison du diable de Robert Wise, La maison des damnés de John Hoff ou Amityville, La maison du diable de Stuart Rosenberg. Pour compléter ces ambiances plus ou moins pesantes et effrayantes, le cinéma fantastique utilise de nombreux procédés et techniques, et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie de la chronique d'aujourd'hui. En effet, différents procédés servent à accentuer le côté fantastique d'un film. Deux tendances se dégagent, l'exhibition et la suggestion. La première utilise des effets techniques à des fins de démonstration, tandis que la seconde use des effets qui jouent sur l'imagination du spectateur, même si, dans la pratique, ces deux tendances peuvent s'associer dans un seul et même film. L'un des plus anciens procédés associés au genre est, bien évidemment, le recours aux effets spéciaux qui sont employés dès les origines du cinéma fantastique et dont plusieurs films sont représentatifs, à commencer par Le Voyage dans la Lune de Méliès en 1902, en passant par King Kong jusqu'aux images de synthèse de Jurassic Park. Le maquillage est l'autre composante notable du genre, pour notamment la représentation de créatures monstrueuses comme le monstre de Frankenstein ou la bête du film de Jean Cocteau, ou encore pour montrer le résultat de métamorphoses ou de transformations, tel le Dr. Jekyll devenant Mr. Hyde ou Stelbrundle devenant un hybride entre une mouche et un homme. Le son ou l'absence de son est aussi un élément important participant à la narration des films fantastiques. C'est la même chose pour certains effets de mise en scène comme le hors-champ ou l'effet bus. Je vais vous les développer un à un dans la partie suivante, à commencer par les effets spéciaux. Georges Méliès, magicien au théâtre Robert Houdin, s'enthousiasme pour l'invention des Frères Lumière en assistant à la première projection de leur film. N'ayant pu obtenir de l'utilisation de la caméra, il fabrique alors son propre appareil de prise de vue avec l'aide de deux ingénieurs et en utilisant des pellicules du kinétoscope d'Edison. Il devient le pionnier des effets spéciaux qu'il découvre accidentellement à cause du blocage de sa caméra alors qu'il filmait des véhicules place de l'Opéra à Paris. Après avoir réparé la pellicule, il constata qu'un omnibus s'était transformé en corbillard. Il se tourne naturellement vers des sujets fantastiques pour expérimenter ses différents procédés de trucage, comme la surimpression, le système de cache ou les premiers effets spéciaux mécaniques avec la marionnette géante du film À la conquête du pôle. À la même période, d'autres effets spéciaux sont inventés, comme le matte painting mis au point en 1907 par Norman O. Down, qui donne l'illusion d'un décor réel à partir d'éléments peints qui se fondent avec la prise de vue. Dans les années 1920, deux techniciens vont marquer l'évolution des effets spéciaux, Willis O'Brien et Erich Kettelhut. Willis O'Brien, le pionnier du procédé d'animation de marionnettes image par image, connaît avec Le Monde Perdu, film de 1925, un énorme succès en donnant vie à des dinosaures à partir de figurines articulées par un squelette en métal. Erich Kettelhut, lui, décorateur pour le Metropolis de Fritz Lang, fabrique des maquettes de gratte-ciel et des avions miniatures suspendus à des fils qui sont filmés image par image pour représenter la ville futuriste de Metropolis. Les effets spéciaux évoluent de manière spectaculaire au milieu des années 30 avec King Kong qui consacre Willis O'Brien dans les effets spéciaux image par image. Les effets de transparence sont mis au point par John P. Fulton qui devient ensuite directeur des effets spéciaux pour la Universal pour l'homme invisible avec l'aide du Traveling Mate mis au point par Frank D. Williams qui permettait d'incruster un personnage sur un décor à partir d'un système de filtres et de caches. Ce procédé est amélioré par Linwood G. Dunn, le responsable des effets optiques de King Kong, qui met au point une tireuse optique spécialement conçue à cet effet. À la fin des années 30, Arnold Gillespie va élaborer plusieurs effets spéciaux novateurs pour le film Le Magicien d'Oz, notamment la scène de la tornade géante, où les différents effets mécaniques sont filmés en accéléré pour ensuite être rétroprojetés afin d'y incruster l'actrice Judy Garland. Les années 40 et 60 voient l'utilisation des systèmes de surimpression d'images et de fondus enchaînés, employés notamment dans les films de Jack Arnold, L'homme qui rétrécit et Tarantula. George Pal réalise trois films qui marquent l'évolution des effets spéciaux dans la science-fiction, supervisés par Gordon Jennings. Avec Le choc des mondes, le budget atteint les 936 000 dollars pour construire une ville afin d'y simuler une inondation. Dans La guerre des mondes, il s'inspire de la forme de la Remanta pour concevoir les vaisseaux des envahisseurs extraterrestres. Et dans La machine à explorer le temps, il simule l'accélération du temps par des effets image par image. À la fin des années 60, le film 2001, L'Odyssée de l'espace, marque une avancée importante dans les effets spéciaux qui sont utilisés dans les films de science-fiction et de space opéra de cette période jusqu'aux années 90. Douglas Trumbull, réalisateur, producteur et scénariste américain, qui réalisa aussi les effets spéciaux de Rencontre du troisième type, ou encore de Star Trek, le film, a conçu notamment les effets spectaculaires de La Porte des Étoiles, le tunnel lumineux qui défile à la fin du film. Les années 70 et 80 voient l'utilisation généralisée d'effets spéciaux mécaniques. Rob Bottin réalise les effets de transformation du loup-garou dans Hurlement et de l'extraterrestre protéiforme, changeant, de The Thing. Carlo Rambaldi participe avec H.R. Giger à la réalisation du monstre du film Alien et crée E.T. pour Spielberg. En 1982, apparaissent les premiers effets spéciaux numériques en 3D, avec Tron, conçu principalement par la société Mathematic Application Group Incorporation. Suivent dans les années 90 les innovations dues à la société Industrial Light and Magic, qui réalise les effets spéciaux numériques de Abyss, Terminator 2, Le Jugement Dernier, Jurassic Park et ses suites, ou encore La Momie. Depuis les années 2000, les effets numériques ont connu une évolution technologique significative. Le célèbre film Matrix innove avec le procédé du bullet time qui permet de figer un mouvement dans l'espace en usant de ralentis extrêmes. La transformation numérique de Brad Pitt dans L'étrange histoire de Benjamin Button sortie en 2009 jusqu'aux effets de capture de mouvement extrêmement élaborés pour le film Avatar de James Cameron. Poursuivons ensuite en abordant, en expliquant et en détaillant le sujet du maquillage. Cecil Holland est considéré comme le pionnier des effets spéciaux de maquillage. Il expérimente à partir de 1916 différents moyens à partir de latex et de cire et en 1921, il utilise la peau des coquilles d'œufs pour simuler le blanchissement des yeux d'un aveugle pour le film The Love Night. L'un des premiers maquillages marquants du fantastique est celui de Nosferatu, le vampire, de Murnau, joué par Max Schreck. Son illusion fut telle qu'elle est à l'origine d'une légende lancée par Ado Kirou, un écrivain et réalisateur français, qui prétendait que l'acteur n'existait pas et que le vampire avait été incarné par Murnau lui-même. Avec Longchanet, le maquillage va être étroitement lié au cinéma fantastique et d'horreur. Élaborant ses propres maquillages, il parvient à l'aide de prothèses et de déguisements à se rendre monstrueux et méconnaissable, comme dans Le Fantôme de l'Opéra ou en Quasimodo pour Notre-Dame de Paris. Après sa mort et marquant les débuts du cinéma fantastique parlant, son successeur dans cette activité est Jack Pierce, qui réalise les maquillages du monstre et Frankenstein qui firent sa renommée, de la momie et du loup-garou. À la fin des années 30, Jack Down innove en utilisant pour la première fois des prothèses en mousse de latex pour le maquillage du lion peureux, de l'épouvantail et de l'homme de fer blanc du film Le Magicien d'Oz. Dans les années 40, l'un des maquillages les plus marquants du cinéma fantastique est celui de la bête pour le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. Jean Marais dut endurer pendant 5 heures le masque fait de vrais poils fabriqué par le perruquier Pontet d'après les dessins de Christian Bérard que l'acteur appliquait lui-même, assisté du maquilleur Agop Arakelian. Dans les années 60 à 70, reprend les anciens mythes du fantastique. Cependant, les maquillages de Jack Pierce étant protégés par le copyright, le maquilleur Phil Leakey doit réinventer un nouveau masque pour le monstre de Frankenstein joué par Christopher Lee dans Frankenstein s'est échappé, dont l'apparence est plus fidèle au roman. Autre maquillage marquant, celui porté par Oliver Reed dans La Malédiction du Loup-Garou, créé par Roy Ashton, très proche de celui de Jean Marais pour La Belle et la Bête. Le début des années 70 est marqué par le succès des maquillages de primates de La Planète des Singes, faits de prothèses et réalisés par John Chambers. Le budget élevé du film obligeait à avoir un résultat convaincant et éviter tout ridicule. Un autre maquilleur accède à la notoriété dans le cinéma fantastique de cette période, le Britannique Dick Smith, célèbre pour son travail dans L'Exorciste de William Friedkin, et qui compte parmi ses disciples plusieurs maquilleurs de renom des années 80 et 90, dont plus particulièrement Rick Baker. Le Britannique Christopher Tucker marque les effets spéciaux du maquillage avec son travail sur Elephant Man, film de 1981, où il emploie des prothèses corporelles en mousse de latex pour figurer des déformations du corps de John Merrick. Rick Baker s'impose à partir des années 80 comme l'un des plus importants maquilleurs du cinéma fantastique avec ses réalisations sur Le Loup-garou de Londres, film de 1981, Ed Wood, film de 1994 et La Planète des Singes de Tim Burton en 2001, Men in Black et The Wolfman, tous deux sortis en 2010. Ces derniers mélangeaient des effets mécaniques et des animations 3D. C'est ainsi que se termine cette 8e partie sur le cinéma fantastique. Dans la 9e partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des autres procédés et techniques, et si le temps nous le permet, de quelques mélanges de genres. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de La Christoire du Cinéma sur notre page Facebook Radio Gamozo, en nous appelant au 03 29 62 40 40, ou encore à venir nous rendre visite à la radio, située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.